Chapitre 6e. Eh bien, demanda Claire, après avoir promené de pièce en pièce son mari, vous ne me dites pas que nous avons bien travaillé, maman et moi? Mais si, ma chère, c'est superbe. Quel drôle d'air vous avez. On dirait que vous n'êtes pas content. Qu'est-ce qui vous déplaît? Rien, je vous assure. C'est très beau, très riche. Un peu trop de dorure, peut-être. Mais tous ces ors s'éteindront, j'espère, à la longue. Beaucoup de pluches aussi. J'aurais préféré quelques étoffes anciennes, ici ou là. Mais vous savez, je n'y connais rien. Votre appartement vous fera honneur. Pourquoi pas nôtre? Nôtre, si vous voulez. En lui-même, il pensait que ce grand appartement somptueux et banal avait un genre de magnificence qui faisait involontairement penser à l'hôtel Continental. À cette première impression succédèrent le soulagement de ne plus vivre sous le même toit que sa belle-mère, et la satisfaction de rentrer enfin en possession de sa femme. Il prit plaisir à s'installer dans son cabinet de travail. Là seulement, grâce à la présence de ses livres, de ses papiers, de photographies et de gravures dont il couvrit les murs, Raymond trouvait je ne sais quoi d'intime qui manquait à toutes les autres pièces et qui lui donnait la sensation d'être chez lui. Il se remit au travail avec beaucoup d'ardeur et ajouta un nouveau chapitre à son roman. « Enfin, dit-il à Claire, je vais donc pouvoir rattraper le temps perdu. Si vous saviez combien j'ai hâte de finir ce livre et de voir si Madame de Sizrac avait raison de me prédire du succès. »« Fort bien, répliqua la jeune femme, mais vous n'oubliez pas que nous avons nos visites de noces à faire. » Elles commencèrent dès la première semaine de novembre. Chaque matin, Claire dressait une liste de noms avec des adresses en regard. On partait dans le coupé donné par M. Blum. On entrait dans un premier salon où se trouvaient déjà 8 ou 10 femmes, rangées en cercle, tenant toutes leurs carnets de visite à la main, avec des attitudes de poupées savantes. Claire présentait son mari à la maîtresse de la maison, échangeait avec elle quelques propos d'une parfaite insignifiance, jetait un coup d'œil sur la toilette de ses voisines, sur l'ameublement de la pièce, puis se levait et partait. Après quoi, on remontait en voiture. On entrait dans un nouveau salon, où l'on trouvait d'autres dames également rangées en cercle, tenant toutes, et de la même manière exactement que les autres, leurs petits livrets à la main. On échangeait avec la maîtresse de la maison les mêmes politesses, les mêmes questions et les mêmes réponses. Puis on passait un troisième, un cinquième, un dixième, un quinzième salon où la même scène, invariablement, se reproduisait. Cela dura pendant 6 semaines, tous les jours, de 2 à 7 heures. Claire, disait Raymond, vous avez monté aujourd'hui 72 étages, 3 de moins qu'hier, 5 de plus qu'avant-hier. Vous avez contemplé 190 femmes assises en rond et tenant un quartier à la main. Vous m'avez présenté 22 fois 22 dames qui toutes m'ont dit « Vous travaillez beaucoup, monsieur ». On vous a demandé 77 fois si vous comptiez aller beaucoup dans le monde cet hiver. Claire, êtes-vous contente de votre journée? Moi, je sens que je tombe en enfance. Vers le milieu de décembre, il ne restait plus qu'une 30aine de visites, l'affaire de 2 jours au plus. Raymond allait donc pouvoir reprendre son roman et l'achever. Mais à la même époque, Claire devait commencer à recevoir le lundi et le vendredi de chaque semaine. Dès le premier jour de réception, l'appartement de la rue de Lisbonne fut envahi par un flot de visiteurs. Les coups de sonnette, le roulement des voitures sous la voûte, le bruit des portes ouvertes et fermées harcelaient Raymond dans son cabinet et mettaient en fuite ses idées. Il essaya d'aller travailler de tête dans quelque endroit solitaire, le long des quais. Mais il s'aperçut que sa pensée, quand il n'avait pas sous la main une plume pour la saisir et la fixer au moment même où elle prenait son vol, lui échappait bientôt, s'égarait, et finissait par se perdre dans la région vague de la rêverie. Alors il rentra. Dans l'escalier, il rencontra 3 messieurs qu'il se souvint d'avoir vus quelque part pendant les visites de noces. Ils descendaient en causant bruyamment. L'un d'eux riait et disait d'un air fat « Elle est vraiment très gentille. » Raymond crut comprendre qu'on parlait de sa femme et fronça les sourcils. Désormais, il s'abstint de sortir les jours où Claire recevait et fit salon avec elle, en dépit de l'ennui qu'il éprouvait à entendre pendant 4 heures d'horloge des propos dont la moyenne ne s'élevait pas sensiblement au-dessus de la puérilité d'une conversation de petite fille jouant à la dame. Il vit arriver chez lui 2 fois par semaine le banc et l'arrière-banc des danseurs de Claire, de petits messieurs serrés dans leurs habits, les membres grêles, les pieds longs et plats, une fleur à la boutonnière. Il s'empressait autour de sa femme, qui semblait ravie de les revoir. Il lui rappelait les bals de l'hiver précédent, les cotillons qu'elle avait conduits, parlait Boston, Pabane et Menuet. Et quand ils étaient partis, d'autres arrivaient, semblables de tout point au premier, gentils, pommadés et un peu niais. Dieu, pensait Raymond, comme il y a des danseurs à Paris. Quand une jeune fille mondaine se marie, les messieurs un peu mûrs qui s'amusaient à lui faire la cour, une cour pour rire sans conséquence, disparaissent pendant les premiers mois. Puis on les voit reparaître un beau jour. Ils se présentent en éclaireurs, sans idée bien arrêtée encore, l'air bonhomme, et pourtant l'œil luisant. Prêt à tout, aussi bien à jouer le rôle de vieil ami, si c'est celui-là qu'on leur impose, qu'à reprendre un continent, si l'on semble le leur permettre, celui de soupirant. En un tour de main, ils vous ont jaugé le mari et savent à quoi s'en tenir sur l'affection qu'il inspire à sa femme, la domination qu'il exerce sur elle, l'aptitude plus ou moins grande qu'il peut avoir à se laisser berner. D'un coup d'œil, il constate si le ménage est solide ou s'il craque. Dans le premier cas, ils s'éclipsent de nouveau, et on ne les revoit plus. Dans le second, ils reviennent. Ils ont un flair merveilleux pour discerner le fruit déjà piqué, une patience sans égale pour attendre qu'il tombe et, ce qui achève de les rendre particulièrement redoutables, le talent de secouer l'arbre sans en avoir l'air, afin d'avancer le moment de la chute. Il vint chez Claire bon nombre de ces hommes entre deux âges qui rôdent autour des jeunes ménages. Ils trouvèrent une petite personne rieuse, coquette, aimant les compliments. Mais, derrière cette petite personne, ils virent un grand gaillard, dont les yeux prenaient un mauvais regard quand on s'occupait trop de sa femme. Ils allèrent chercher fortune ailleurs, car ces galants, sur leur tour, ont grand souci du confortable, même en amour, et se tiennent volontiers à distance des maris dont l'humeur est rebêche. Cette petite expérience confirma Raymond dans l'opinion qu'il avait sur les bons effets de la présence réelle des maris auprès de leurs femmes. Et il continua de recevoir avec la sienne, tout en se disant qu'il eût bien mieux aimé rester à travailler tranquillement dans son cabinet. Le mois de janvier ouvrit la série des invitations à dîner et des bals. Presque toutes ces soirées furent prises. Il se couchait tard, se levait de même, la tête lourde et comme vide de pensée, écrivait péniblement quelques lignes, puis, de lassitude et de dégoût, jetait sa plume et s'en allait prendre l'air. Ces fêtes, ces réunions mondaines, qui se succédaient presque sans interruption, le fatiguaient horriblement. Il y respirait un mortel ennui. On le voyait errer dans les salons à la recherche d'un coin isolé, fuyant l'éclat aveuglant des lumières, le brouhaha de la foule et sa gaieté bruyante. Pendant que Claire, les yeux brillants de plaisir, riait, bavardait, dansait, heureuse de tous ces regards qui se posaient sur elle et détaillaient sa beauté. Assis mélancoliquement au fond de quelques boudoirs, Raymond la contemplait de loin, se disant que si cette jolie fleur avait trouvé le milieu propre à son plein épanouissement, il n'en allait pas pour lui de même, et qu'il n'était point fait pour cette vie. En février, Claire s'avisa que 2 jours par semaine ne suffisaient pas, et qu'il lui fallait en outre le mercredi un 5 o'clock tea. Cette idée, combattue par Raymond et par sa mère, qui venait de temps en temps passer 48 heures à Paris, fut au contraire vivement approuvée par Madame le couturier. Claire eut donc son thé de 5 heures, comme un certain nombre de femmes à la mode. Afin de rehausser l'éclat de ces petites réunions, elle imagina d'y produire quelques sujets rares. Un attaché d'ambassade qui se préparait à représenter la France en colportant de salon en salon d'ineptes monologues. Un autre diplomate qui faisait à ravir des imitations et des conférences humoristiques. Enfin, un jeune médecin qui obtenait le plus vif succès en donnant de petites séances intimes d'hypnotisme. Un jour, Madame le couturier arriva chez sa fille le visage rayonnant. Elle lui apportait la nouvelle qu'un grand journal du matin venait d'accorder, par la plume d'un des hommes si distingués qui rédige son bloc-notes de la mondanité, une mention flatteuse au 5 o'clock tea very select de Madame la baronne Raymond Blacher. Claire partagea l'allégresse maternelle et ne comprit pas du tout pourquoi son mari pestait si violemment contre le gentilhomme anglo-français au lieu de lui envoyer sa carte avec un mot de remerciement. Le printemps arriva et avec lui le concours hippique. C'est le moment où une partie de Paris se prépare à procéder avec solennité à l'apothéose du cheval et se rend, en habit de fête, au palais de l'industrie, pour assister à l'ouverture des grands jours du palefrenierisme. Claire y traîna son mari. Elle eût souhaité qu'il portât dès le matin la carte des abonnés à 100 francs pendue à un bouton de sa jaquette. « Cela se fait, » disait-elle, « c'est très chic. »« Voulez-vous aussi, » répondit Raymond, « que je porte des bottes à revers afin d'avoir l'air encore plus homme de cheval ?» Elle se consola en arborant pour cette cérémonie un de ses costumes dont chaque détail, depuis l'horrible col droit, cassé au coin, jusqu'au mouchoir orné de fer à cheval en couleur, semble destiné à éveiller des idées d'écurie. Après le concours hippique, ce fut le tour des expositions. Il s'en ouvrit de tous les côtés, autant que de bourgeons aux marronniers du 20 mars. Aquarellistes, pastellistes, cercles volnais, mirlitons, indépendants, femmes peintres, etc. Claire eut jugé déshonorant de manquer une seule de ces ouvertures. Non pas qu'elle s'intéressât le moins du monde à l'art, qui d'ailleurs n'a pas grand-chose à faire en ces endroits, mais parce qu'il entrait dans le programme qu'elle s'était imposé, des devoirs d'une femme à la mode, de se montrer ces jours-là en public avec un chapeau neuf. Cette fureur d'attirer sur soi les regards l'avait déjà induite en de singulières tentations d'excentricité. Elle fut sur le point d'arrêter comme valet de chambre un ancien turco du plus beau noir. Il lui semblait qu'elle aurait plaisir à le voir ouvrir en costume arabe la porte de son salon, et se montra pendant 2 jours inconsolable du veto opposé par Raymond à l'introduction de ce Touareg dans sa maison. Elle eut envie d'un molosse, et s'étonna d'entendre sa belle-mère exprimer tranquillement l'idée que les sujets de cette race étaient un peu encombrants, comme chien d'appartement. Elle eut aussi l'idée de remplacer la sonnette de la salle à manger par un gong, pour faire comme une jeune femme très élégante et très spirituelle, dont on citait ce trait avec admiration. Son mari eut quelque peine à lui faire comprendre que le gong, à la latitude de Paris, manque un peu de simplicité. Ses recherches d'originalité n'avaient eu jusqu'alors qu'un assez pauvre succès. Claire s'en rendait compte. Il lui parut qu'elle avait fait fausse route en se contentant de copier les autres. Raymond la vit tout à coup se jeter dans des lectures sans fin. Enflammée d'un zèle soudain pour la littérature, elle l'accablait de questions sur les écrivains contemporains, sur leurs œuvres, leur vie, leur doctrine, et prenait au vol ses réponses pour les consigner sur un petit calepin spécial qui ne la quittait plus. Un jour, il la trouva plongée dans l'étude d'un manuel de baccalauréat. N'ayant pas le temps de lire Alfred de Vigny, Lamartine, Musset et Hugo, dont ils avaient parlé la veille, elle enrichissait son calepin de quelques idées générales supplémentaires sur chacun de ses poètes. « Dans le genre de cela, qu'est-ce qu'il y a en moins banal ?» demandait-elle. « Comment en moins banal? Que voulez-vous dire par là? Enfin, des poètes que tout le monde ne sache pas par cœur. Le comte de Lille, Théophile Gautier, Baudelaire, Sully Prudhomme, Copé, en voulez-vous d'autres? Non, je ferai mon affaire avec cela. » Le lendemain, en se mettant à table pour déjeuner, elle déclama. En la 30e année au siècle de l'épreuve, étant captif parmi les cavaliers d'Assur, Togorna, le voyant, fils d'Elam, fils de Tur, eut ce rêve, couché dans les roses du fleuve, à l'heure où le soleil blanchit l'herbe et le mur. Puis, éclatant de rire, elle dit « Croyez-vous qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient capables de réciter du Caïn, et du Caïn avec un K encore ?» Ce jour-là, Raymond comprit pourquoi Claire s'intéressait si fort, depuis quelques semaines, à la littérature. Il avait eu la naïveté de croire que c'était afin de pouvoir vivre en plus étroite communion d'idées avec lui, et il souffrit de s'être aussi lourdement trompé. C'est de la même époque que data le goût subitement manifesté par la jeune femme pour la musique de Wagner et pour la peinture de Puvis de Chavannes. Sa prédilection avait hésité quelque temps entre ce dernier et Manet, mais elle apprit que Manet était déjà pris, comme Zola en littérature, par 2 ou 3 femmes très en vue, ce qui la décida en faveur de l'autre. « Ah ça !» dit un jour Madame Blacher à son fils. « Qu'est-ce que ta femme est venue me chanter hier ?»« Elle aime mieux la chevauchée de la Valkyrie que le duo de Roméo maintenant. Elle me parle de Lohengrin comme si c'était son cousin. Qu'est-ce que c'est encore que cette lubie-là » « Ne faites pas attention, » répondit-il en haussant les épaules. Claire se prépare à jouer un rôle, et elle répète. Un de ces jours, voulant en inciter une phrase de Tolstoï, Il n'y a plus que lui depuis qu'elle a découvert le roman russe. » Cependant, le bruit commençait à se répandre que le petit bataillon des femmes du monde, amis de la littérature et des arts, s'était enrichi d'une jeune et brillante recrue. On se la montrait à toutes les premières, écoutant attentivement la pièce, causant pendant les entr'actes avec des critiques influents, des hommes de lettres ou des artistes, et si c'était un opéra, étalant la partition sur le devant de sa loge. On signalait sa présence à la réunion annuelle des cinq académies, où le célèbre orientaliste X avait fait une lecture sur l'organisation administrative des satrapies dans l'empire de Darius. On disait même qu'elle s'était fait présenter à la sortie ce savant afin de lui demander un supplément d'informations sur les satrapes. « J'espère, disait-elle à son mari, que vous ne me reprocherez plus de ne pas aimer la littérature. » « Je vous reprocherai plutôt de l'aimer trop, ma chère, » répondait mélancoliquement Raymond. Et il souffrait à la pensée que le zèle intempérant de la jeune femme prêtait peut-être à rire aux malveillants, d'autant plus nombreux sans doute, que sa grâce, sa beauté, son esprit l'exposaient davantage à l'envie. « Pas tant de manifestations, » lui disait-il encore. « Ne criez pas sur les toits que vous vivez pour la littérature, la musique et l'art dont vous vous souciez il y a 6 mois comme un poisson d'une pomme. C'est trop. Vous finirez par fatiguer les gens, je vous assure. » Claire ne tint aucun compte de cet avertissement fort sage. Elle avait pris goût à son rôle et le jouait non seulement avec plaisir, mais presque avec conviction. Il lui venait des remords d'être restée si longtemps étrangère à toutes ces choses d'ordre intellectuel, qu'elle trouvait maintenant fort distinguées. Sa mère commençait à lui sembler commune, parce qu'elle ne connaissait pas les poésies de Madame Ackermann, le journal d'Amiel, ni les pensées de l'abbé Roux. Et c'était chose prodigieusement réjouissante que de voir cette petite échappée de la bourgeoisie prendre des airs artistes et se griser de littérature, comme une jeune grive de raisin au moment des vendanges. Ses ennemis, elle en avait déjà, le savait, et s'en félicitait fort, l'imprudente. Ses ennemis prétendaient qu'on avait trouvé un jour dans un salon qu'elle venait de quitter quelques feuillets tombés de sa poche, et qu'on y avait lu, écrit de sa main, un fragment de nouvelle où, à la manière du célèbre romancier X, était outrageusement pastiché. On ne put jamais savoir la vérité sur cette petite histoire. Ce qui n'était pas douteux, c'est que la jeune femme parlait volontiers du roman de Raymond, et cela d'un ton de connaisseur, avec de petites mines mystérieuses dont s'autorisaient les gens prévenus contre elle pour répandre perfidement le bruit qu'elle cherchait à se donner des airs de collaboration avec son mari. Cette collaboration existait d'ailleurs, au moins dans l'esprit de Claire. Pauvre d'imagination, mais aimant, en digne fille de son père, la précision, la minutie même, c'est dans les théories de l'école dite d'observation que Claire avait d'instinct puisé les éléments du petit credo littéraire dont elle avait jugé bon de se pourvoir. Depuis lors, elle travaillait, avec la conscience que les femmes mettent presque toujours dans les besognes qu'elles font, à fournir des documents à Raymond. Seulement, comme le sens de la critique est, avec la faculté de concevoir des idées générales, ce qui manque le plus à son sexe, toute intelligente et avisée qu'elle fût, ces documents, dont elle recueillait chaque jour une moisson effroyablement abondante, étaient en général d'une extrême puérilité. Elle se conformait aux préceptes de l'école avec une application un peu servile, qui excluait tout examen et tout choix. Sous couleur d'exactitude, elle se croyait obligée de noter les plus pauvres, les plus insignifiants détails de costumes ou d'ameublement, des mots, soi-disant originaux, qui précisément manquaient surtout d'originalité, des fragments de conversation, surpris au passage, qui lui avaient paru remarquables, caractéristiques, et qui étaient en réalité absolument dépourvus d'intérêt. Déplorant que son mari donnât trop à l'imagination, et convaincue que la vraie recette pour faire un beau livre est, comme elle disait en un langage un peu pédant, de le documenter fortement, Claire croyait de bonne foi rendre service à Raymond, en grappillant pour lui à droite et à gauche de menus faits ou des semblants d'idées, et rien n'était amusant comme de la voir dans un salon chercher des yeux aussitôt qu'elle entrait, l'homme important, écrivain, artiste, député, savant, médecin ou diplomate, s'attaquait à lui avec une imperturbable assurance, le mettre sur la sellette, l'interroger sur ses goûts, ses opinions, ses idées, en prenant un petit air sérieux qui trahissait la contention d'esprit qu'elle se donnait pour grouper bien en ordre les résultats de l'enquête au fond de sa mémoire et retenir jusqu'au terme même dont l'interlocuteur s'était servi. Elle se figurait, assez naïvement, que ce manège passait inaperçu. On savait fort bien, au contraire, que cette jolie abeille avait pour habitude de butiner la fleur de l'intelligence d'autrui. Les uns se laissaient faire en souriant, car elle avait assez de grâce pour que sa gentillesse servît d'excuse à ses instincts déprédateurs. D'autres ne laissaient circuler devant elle que les gros sauts de leur esprit, ou même le cachaient tout à fait, comme certains collectionneurs mettent sous clé leur bibelot à la vue d'un amateur suspect. Il y avait enfin des gens moins bien informés ou moins perspicaces qui ne soupçonnaient point que les jolies façons d'une si jeune femme cachassent tant de machiavélisme. Ceux-là se livraient à plaisir, et c'est pour eux que Claire gardait ses plus séduisants sourires. Toutefois, cette manie de ne jamais adresser à personne une question qui fût désintéressée, d'interviewer les gens sous prétexte de causer avec eux, cette tendance à enrichir son propre fond du fruit de 1000 petits larcins commis çà et là, à piller des traits d'esprit, des aperçus ingénieux dans un salon afin de les utiliser dans un autre, toute cette diplomatie qui pouvait paraître empruntée à la faible du jet paré des plumes du paon, commençait d'exciter contre elle une irritation assez vive. Tout le monde ne faisait pas, comme il aurait fallu, la part de la jeunesse, de l'inexpérience, de l'entraînement, ni ne remarquait par combien de qualités charmantes elle rachetait son petit travers. De malignes anecdotes circulaient déjà. Ne racontait-on pas, par exemple, qu'on avait vu un soir dans l'antichambre d'une maison où elle avait dîné, écrire une note au crayon sur la manchette de son mari? Raymond, fort mécontent de toutes ses façons d'agir, essaya d'indiquer discrètement qu'elles auraient pour principal résultat de les ridiculiser l'un et l'autre. Mais Claire feignit de ne pas comprendre et continua de rassembler les matériaux du roman d'observation, parisien et vécu, qu'elle ne désespérait pas de lui voir écrire un jour et dont elle se réservait d'être l'inspiratrice. Elle avait imaginé de travailler pour lui d'une autre manière encore, en donnant ce qu'elle appelait des dîners utiles. Les hommes seuls, journalistes ou critiques, étaient conviés à ces réunions dont ils sortaient la tête un peu montée, tant par les vins qui étaient généreux que par les prévenances, les flatteries et les grâces, dont la maîtresse de maison ne se montrait point avare. Elle eut l'habileté d'intéresser l'amour-propre maternel de Madame Blachère au succès de cette petite campagne et d'obtenir que la générale elle-même donnât à son fils le conseil de ne pas se tenir obstinément à l'écart de gens qui peuvent faire un jeune écrivain tant de bien ou tant de mal. Parmi les invités de Claire se trouva un vieux bonhomme qu'un long stage, en qualité de pion dans un collège de jésuites, avait préparé à tenir, avec quelques-unes des qualités requises, la férule de la critique dans un journal catholique. Une fois par semaine, il y morigénait ses contemporains en une prose mystique et populacière qui sentait à la fois la sacristie et le faubourg, comme celle de Veuillot, dont il se disait fièrement le disciple. Sa critique empruntait quelque chose de particulièrement amer à une dyspepsie opiniâtre dont il souffrait depuis l'âge de 20 ans et qui avait, à la longue, saturé de bile son âme comme son corps. Ce bourru malfaisant, qui administrait avec volupté la discipline aux autres et se glorifiait d'avoir distribué plus de horions que Saint-Labre ne comptait de poux dans son manteau, ce vieux noircisseur de papier qui déchiquetait les gens du bout de sa plume, qui n'avait jamais souri à une œuvre nouvelle, qui avait donné le plus bel exemple connu d'une critique invariablement négative et décourageante, se gardant de la sympathie comme d'un péché mortel, cet inflexible, cet incorruptible, ce juste, fut ensorcelé par Claire. Quelques jours après qu'il eut dîné chez elle, il fit, d'assez mauvaise grâce d'ailleurs, un peu comme un bulldog qui pense, en léchant au plaisir de mordre, il fit dans sa chronique l'éloge d'une nouvelle que Raymond, pour ses débuts, venait de publier en feuilleton au Figaro. Ce fut une grande surprise de voir qu'un homme si ferme sur les principes donnait à son tour dans la critique de digestion. Ce fut aussi un beau triomphe pour Claire, qui dit à son mari « Vous voyez bien, vous voilà lancé maintenant. Avais-je assez raison de dire que je vous aiderais ?» Telle était sa joie, qu'elle ne put se priver du plaisir de lui annoncer une surprise. Un beau costume de moine, avec capuchon et cordelière, pour mettre dans son cabinet de travail, comme Balzac. Raymond trouva d'assez mauvais goût l'idée de vouloir qu'il s'affublât d'un froc. Surtout, il fut horriblement humilié des félicitations qu'on lui fit, avec de petits sourires équivoques, au sujet de l'article. Le mois de mai touchait à sa fin. Claire, qui avait déjà eu beaucoup de succès au vernissage, était maintenant toute à l'élaboration de la toilette qu'elle devait porter au Grand Prix. À cette époque de l'année, Paris est charmant, avec ses marronniers dont la verdure est vierge encore des brutales caresses du soleil d'été. Ses jonchées de lilas, de giroflées et de pivoines, dans les petites voitures des marchands ambulants. Ce je ne sais quel air pimpant et coquet que prennent ses jardins, ses squares, ses avenues. Souvent, Raymond allait flâner au parc Monceau, l'un des coins de Paris pour lesquels il avait tendresse de cœur. Assis à sa place favorite, sur un banc, près de la pièce d'eau qu'enveloppe à demi une colonnade brisée, il prenait plaisir à écouter le roucoulement monotone et doux des ramiers dans les grands platanes, et vers le soir, les cris aigres des corneilles qui s'ébattent bruyamment au bord de leurs nids embroussaillés. En ce lieu, dont le charme un peu triste lui rappelait Châteaufrayer, le jeune homme se livrait à de longues et mélancoliques méditations. Il constatait, avec l'amertume d'une profonde déception, que le mariage n'avait point répondu à ce qu'il attendait de lui. Qu'au lieu d'être l'union de deux âmes, comme il l'avait rêvé, ce n'était au fond qu'une vulgaire association matérielle, sans intimité vraie, sans poésie, sans noblesse. Il éprouvait une sorte de souffrance à sentir que le respect de la femme, dont les enseignements de sa mère l'avaient rempli, le respect même de l'épouse, diminuait en lui. Et c'était clair qu'il rendait responsable de cette décroissance à laquelle il ne pouvait pas encore se résigner sans un mortel regret de son bel idéal. De grandes jeunes filles, à l'air doux et modeste, passaient devant lui et il pensait « Celle-là pourtant aurait pu être ma femme. Ce doit être une âme fière et tendre. À quoi tient la destinée ?» À une rencontre que l'on fait, à un sourire, un voile de gaze bleu qui donne un air angélique à la moins angélique des femmes. Puis sa générosité native, reprenant le dessus, il avait honte de ses pensées et s'accusait d'être injuste pour Claire. D'autres fois, c'était des enfants qui venaient jouer près de lui, qui lançaient leurs cerceaux ou leurs ballons dans ses jambes, et il regardait avec un étrange attendrissement ses belles petites têtes bouclées, ses yeux limpides où riait la joie d'être au monde, et de crier, et de bondir, et de s'épanouir à la vie comme des fleurs au soleil. Il lui arrivait de caresser furtivement la joue de l'un d'eux, de lui adresser un sourire, auquel l'innocent répondait, trouvant sans doute, dans les yeux de cet inconnu, quelque chose qui lui rappelait le regard de son père. Alors Raymond soupirait. Ah, comme il l'aurait aimé, son fils, s'il en avait eu un. Dans quelles pattes de loyauté, de courage, d'honneur, de patriotisme, il l'aurait modelé. Quel petit héros modeste il en aurait fait. Et il se voyait, marchant auprès de son enfant, en tenant sa petite main dans la sienne, formant doucement ce jeune cœur, lui faisant aimer et respecter tout ce qu'il respectait, tout ce qu'il aimait lui-même. Et il songeait que ce doit être consolant, quand on se sent mourir, de laisser derrière soi un être dont le corps est votre chair et dont l'esprit est votre âme. Un jour qu'il avait pensé à toutes ces choses plus longuement encore et plus tristement que de coutume, Raymond se sentit en proie à une détresse morale si cruelle que le mot redoutable qu'il s'obstinait encore à ne pas vouloir prononcer jaillit soudain de ses lèvres. « Mon Dieu, que je suis malheureux !»